je comprends pas ce que... Libertine, c'est quoi Libertine? Téléchargement, ça fait... Ça fait combien ça? La batterie? Ça fait combien ça? You play drum? Ça va trop vite là. Oh là là, putain, c'est combien là? 70 hein? Tu vois? Ça, 70 ça a passé. 81. Ok, c'est là. Là, tu vois, regarde. 1, accordé. Et là, non, à suite de la corde. Comment il s'appelle ce... Don't Look Back, Ninja. Les paroles. Tout simplement. Noël Gallagher. Des fois elles sont mal écrites, des paroles là. Tac, tac, tac, voilà. Après j'ai copié. Bloc note. Et là j'arrive. Oh putain c'est petit hein. C'est petit. Ok, ok. I found the lyric. Attention. Sleep inside the album. Sleep inside the arm of your mind. Don't you know you're my fine? A better place to play. You say you'll never be like me. You say that you never. Mais lui, il est anglais, c'est facile pour lui. You said you never me. Ouais, elles sont nulles ces paroles là. Oh. A better place to play. You said that you'll never be here. Sound like the bill in order. L'autre il a été marqué un truc là. S'en fout ce qu'il a marqué. Sleep inside. Attends, tiens, je vais mettre des reverb à fond là. Mais il est chiant, ce mec. Hey. Sleep inside the eye of your mind. Don't you know you're my fire? Better place to play. Ok. Je recommence ça. Start to one. Sleep inside the out of your mind. Don't you know you're my fire? Better place to play. Sleep inside the out of your mind. il dort jamais, Dirty. Dirty never sleep. Et arrête, tu vas me péter les dents avec le micro. Petit bug. Des You must devant. Go to bed. You must go to bed.